Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. J'espère que tu es confortablement assis dans ton lit, sur ton canapé ou dans ta voiture pour m'écouter tranquillement. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment paraître comme un pro de l'immobilier, même quand on est débutant. Nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien. J'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Nous allons voir maintenant comment se comporter comme un pro de l'immobilier, même quand on est un pur débutant. Donc, numéro 1. Il va falloir multiplier les visites et faire en fait les travaux pratiques. Tu fais sûrement, si tu me regardes, c'est que tu regardes beaucoup de vidéos sur YouTube, que tu suis sûrement plusieurs investisseurs qui ont leur chaîne. C'est génial, peut-être que tu fais des formations, peut-être que tu es dans des groupes mastermind, peut-être que tu fais des clubs privés. Si tu fais des clubs privés, n'hésite pas à venir t'inscrire dans le mien en tout cas. Si tu fais tout ça, c'est génial. Par contre, à un moment, il va falloir que tu te bouges toi-même. Je ne peux pas t'accompagner, aucun investisseur sur Internet. Même si on va te donner toutes les méthodes, tout notre savoir avec le plus grand bonheur, mais aucun de nous va pouvoir t'accompagner, te prendre par la main pour visiter. Très clairement, ça serait possible, ça serait du coaching vraiment très personnalisé, encore plus que dans un club privé, mais ça risque de te coûter très très cher et ça risque de complètement tuer ta rentabilité pour le coup. Donc, ce que je préfère, c'est te donner toutes les méthodes, toutes les astuces pour ensuite apprendre par toi-même et trouver par toi-même les bons investissements immobiliers. Donc, là, il va falloir que tu passes à l'action, que tu multiplies les visites pour te faire un petit peu aux questions à poser aux agents immobiliers, à voir un petit peu leur vocabulaire, comment ils parlent, quelles sont les questions à leur poser, quelles sont leurs réactions sur les questions, quelles questions ils sentent être comme étant potentiellement sur lesquelles ils paraissent un peu agressifs. Est-ce que quand tu parles du prix, l'agent immobilier tout de suite se met sur la défensive? Ça veut dire peut-être qu'il faut aborder le sujet d'une autre manière. Donc tout ça, tu vas pouvoir le voir par toi-même selon la manière, le tact que tu peux avoir. Ça, c'est quand même assez personnel. Là, ta diplomatie, ta façon d'amener les choses, ton vocabulaire, ton élocution, tout ça va te permettre au fur et à mesure d'apprendre le vocabulaire de l'immobilier et d'être de plus en plus à l'aise avec les agents immobiliers, avec les vendeurs et pouvoir du coup au fur et à mesure détecter tout de suite si tu es sur une bonne affaire ou sur un bien où il n'y aura aucune négociation par exemple et de paraître avec une grande assurance. Par rapport à ça, je te mets le lien dans la description de la vidéo d'une checklist que j'ai mis en place pour te préparer dans toutes tes prochaines visites immobilières. C'est un ensemble de questions à se poser, questions à poser avant la visite et questions à poser pendant la visite. Deuxième point, je t'encourage à toujours avoir un petit carnet sur toi durant la visite pour tout noter parce que en fait, tu vas oublier les choses. L'état des murs, par exemple, si tu as des questions sur une fissure que tu pourrais voir, c'est assez simple. Tu as une fissure, tu notes. Interrogation sur la fissure au mur du salon, tu la prends en photo et voilà, t'as plus besoin parce que sinon tu risques d'oublier et tu vas croire que c'est une super bonne affaire. En fait, il y aura deux énormes fissures dans le mur et comme tu seras passé à autre chose, tu auras regardé des points positifs, tu auras oublié les quelques points par exemple négatifs qui pourraient être vraiment très très compliqués par rapport à ta rentabilité, par rapport à des coûts à venir très importants. Donc, un petit carnet, ton smartphone, alors, je pense que tu as un smartphone. Et tu n'hésites pas à prendre des photos, à noter tous les points. Comme ça, ensuite, à tête reposée, tu peux tranquillement débriefer des biens avec, par exemple, un investisseur plus expérimenté ou avec ta copine, avec des potes, sans aucun problème. Ça, fais-le surtout au début. Ensuite, quand tu vas commencer à être un peu plus expérimenté, à avoir quelques biens, quand tu vois des biens moins intéressants, t'es pas obligé, tu peux lâcher l'affaire beaucoup plus vite, quoi. Par contre, au début, même quand tu vois un bien qui n'est pas forcément intéressant, fais l'exercice de poser toutes les questions aux agents immobiliers, de prendre des notes, de prendre des photos, ça va te permettre tout de suite ensuite de voir si l'électricité a l'air correct, si la plomberie a l'air correct, si tu n'as pas un mur qui a l'air d'avoir une infiltration, etc. Ça va, c'est en fait tes travaux pratiques comme à l'école. Hein, je te dis souvent, au final, à un moment, c'est comme à l'école, à part que c'est l'école de la vie, de l'investissement immobilier, mais à un moment, il faut faire des travaux pratiques. C'est bien de regarder 10 vidéos, c'est bien la théorie, mais à un moment, il faut se bouger et il faut multiplier les visites pour potentiellement aller à un moment vers des offres. Et apprendre aussi l'art de la négociation. J'avais fait des vidéos là-dessus. Je vais te mettre le lien, mais tu peux trouver sur ma chaîne Esprit Gagnant des vidéos sur la négociation. Je vais encore en faire parce que j'ai beaucoup de questions sur la négociation, comment faire une négociation. Il y a beaucoup de choses assez basiques à faire pour te faire gagner quelques milliers d'euros. Tu peux facilement gagner 5000 euros en faisant presque rien, mais juste avec une petite méthode, une petite touche de négociation que peu de personnes connaissent. En tout cas, les investisseurs expérimentés, eux, la connaissent bien évidemment. Mais sinon, quand tu es débutant, souvent tu la connais pas ou alors tu n'oses pas la mettre en place. Ensuite, quand tu vas visiter, surtout, tu ne sois pas obligé de parler, tu ne sois pas obligé de poser des questions bêtes. Quand tu vois qu'il y a un coup de peinture à faire, ne dis pas, oh là là, il y a tout à rénover dans l'appartement, par exemple. Ça ne sert à rien, ça ne va pas apporter et tu vas perdre du crédit. C'est pas grave, si tu n'as pas de questions, t'en penses pas. Mais ne te ridiculise pas, entre guillemets, devant l'agent immobilier à poser des questions vraiment bêtes. Laisse des blancs. Fais ton petit tour tranquillement, prends ton temps, même si l'appartement est petit, tu peux refaire un deuxième tour, un troisième tour, tu peux ouvrir les placards, tu peux aller regarder la plomberie. Même si tu ne connais rien d'une certaine manière, l'agent immobilier, ça pourrait lui faire croire que tu connais quelque chose. Perso, par exemple, je suis très nul en travaux, tu dois le savoir si tu me suis. Mais je vais toujours voir le compteur électrique, parce que je connais. En fait, j'ai appris deux, trois questions, deux, trois choses importantes à savoir sur l'électricité. Et du coup, je les pose à l'agent immobilier. Il croit que je m'y connais, alors qu'au final, hormis ces deux, trois questions, je suis incapable de te dire si l'électricité est aux normes. Et voilà, on apprend au fur et à mesure à gagner en crédibilité vis-à-vis de l'agent immobilier ou du vendeur et montrer qu'on est quelqu'un d'expérimenté. Ah, il n'est pas censé savoir, il n'est pas obligé de savoir que c'est ton premier bien immobilier, que tu n'es jamais passé chez le notaire. Un dernier conseil que je trouve vraiment super important, ne te précipite pas, attention au coup de cœur. Ça fait 6 mois que tu cherches, tu vas visiter, tu trouves le bien super nickel. Et là en fait, on voit le débutant, on voit le débutant qui est trop content d'avoir trouvé le bien enfin génial et qui bombarde directement une proposition de prix. Est-ce que c'est négociable? Il est à 100. Oh, ok, je vous propose 98, est-ce que je peux l'avoir? Va pas là-dessus, garde ton calme, prends un peu de hauteur, passe un coup de téléphone à la limite à un ami pour te calmer. Mais prends un tout petit peu de recul et surtout, c'est mon conseil en tout cas, évite les négociations de vive voix, en face à face. Ça ne sert à rien et pour moi, c'est le meilleur moyen de faire une mauvaise négociation. Maintenant, un petit bémol, si tu vois que l'appartement il est vraiment au top du top et que même au prix où il est affiché, c'est une super grosse affaire avec une énorme rentabilité parce que potentiellement, en fait, tu es sur une anomalie de marché, sur un bien où quelqu'un veut vendre vraiment vite et là, tu peux peut-être aller vite et à la limite, dès que tu es sorti de l'appartement, tu fais une proposition écrite. Pas forcément de vive voix, mais dès que tu sors, tu fais un mail avec hop, une proposition écrite. Bien évidemment, tu négocies quand même quelque chose. Même 500 euros, 1000 euros, je t'ai déjà dit, tu négocies quelque chose. Par contre, tu vas très vite parce qu'il est vrai qu'un bien qui est super intéressant au niveau du prix, au niveau du cash flow potentiel, etc., il va partir vite sûrement. Donc, là, par contre, on fonce et on se positionne, mais plutôt à l'écrit qu'à l'oral, en face à face, parce que tu vas te faire avoir vis-à-vis de l'agent immobilier. Et en fait, tu ne sais même pas si c'est vraiment une bonne affaire, parce qu'en fait, tu n'as pas forcément, au début, tu vas faire des erreurs. Donc, potentiellement, ça va être une super bonne affaire, mais en fait, tu as une toiture à refaire dans un an. Donc, ça va te coûter 15 000 euros. Et là, en fait, ta bonne affaire, elle s'écroule. Si jamais tu ne fais pas une grosse négociation où tu vas englober les 15 000 euros de la toiture qu'il y aura à faire dans un an. Tu vois, c'est des petites techniques. Tu vas croire que c'est bien. En fait, tu auras oublié de passer dans la cage d'escalier où tu vois qu'il y a des travaux ou qu'il y a des fissures sur les murs. Donc, prends quand même ton temps au début de pas négocier tout de suite. Maintenant, si tu sens que c'est vraiment la bonne affaire, tu prends ce qu'on a dit, tu prends des notes, tu prends des photos, tu montres rapidement ça à un copain, tu te fais consoler, tu te fais confirmer que c'est une bonne affaire et ensuite, tu fais ta proposition tout de suite. Moi, c'est ce que je propose aux membres de mon club privé Immo Rentable et Sécurisé. C'est qu'ils m'envoient directement, quand ils ont fait une visite, ils m'envoient directement l'annonce, les caractéristiques entre le prix du bien, la négociation possible, le loyer qui peut y avoir, pour que je puisse les aiguiller sur la négociation à mettre en place. Ça, on le fait directement, ça fait partie de mon accompagnement vraiment personnalisé à l'intérieur du club privé. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message et je te donnerai toutes les informations sur le club privé. Ça, c'est des choses qui peuvent te permettre de gagner beaucoup d'argent ou beaucoup de temps, d'avoir un suivi vraiment personnalisé. Toi, tu fais les annonces et moi, à la fin, je trie et je te dis si ça a l'air bien ou pas bien et je te dis pourquoi surtout. Là, j'ai un membre du club privé qui m'envoie des annonces et du coup, pour l'instant, je l'aiguille sur ben non, ça, c'est pas possible parce qu'en fait, tu peux pas louer en dessous de 9 mètres carrés. Tu vas vers des problèmes et moi, je veux que tout le monde, que vous dormiez, que vous soyez des bons investisseurs rentables, mais sécurisés, que vous dormiez sur vos deux oreilles tranquillement. On n'est pas des marchands de sommeil, on donne des choses de qualité par exemple. Parce que sur le long terme, on sera toujours récompensé à donner des choses de qualité à nos locataires. Voilà, maintenant tu en sais plus pour aller faire des visites comme un pro. Si tu as aimé cette vidéo en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à des amis qui peuvent être intéressés par l'investissement immobilier. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bah, tu peux le faire tout de suite pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est du contenu de qualité et totalement gratuit. En tout cas, d'ici là, je te dis passe à l'action, fais des visites et bah, pour toi bien, ciao ciao.